de la nuit, je vous en prie. Envoyez-moi l'amour dont j'ai rêvé, il est temps de venir m'aider. Voyez sur mon lit, il n'y a jamais eu qu'un oreiller. Et dans la triste chambre où je m'ennuie, j'aimerais bien le partager. Voyez, j'ai laissé ma porte ouverte et ma vie est offerte à celle qui voudra. Qui voudra de moi pour lui faire un collier de mes deux bras et l'emmener le soir pour dire bonsoir, bonsoir et puis aussi merci. Vénus, mon ami, étoile de la nuit, je vous en prie, envoyez-moi l'amour dont j'ai rêvé, il est temps de venir m'aider. Mettez dans ses yeux ce que mes yeux ont rêvé d'y trouver, l'azur profond de l'infini des cieux et la douceur d'un soir de mer. C'est le soleil, nous irons tous les deux vous dire bonsoir, bonsoir et puis aussi merci.